mercredi à Assemblage Requis. On fait le tour des sorties culturelles alternatives avec Sébastien Dulude. On rejoint Fred Fortin pour une entrevue téléphonique. Et la formation montréalaise Naïve sera avec nous en studio. C'est à Assemblage Requis, mercredi, 15h.